CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et pour ce deuxième segment de Futur Simple, on va s'intéresser aux perturbateurs endocriniens, un sujet qui touche les grands, mais aussi les petits, au point que deux professeurs de l'Institut national de la recherche scientifique ont décidé d'écrire un livre de vulgarisation scientifique pour les enfants sur les perturbateurs endocriniens. Alors, ces deux professeurs, ce sont Valérie Langlois et Isabelle Plante. Et je suis bien contente d'accueillir Isabelle Plante au micro de Futur Simple. Isabelle Plante, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de perturbateurs endocriniens et de votre livre, je vais vous demander de vous présenter brièvement, ainsi que votre collègue Valérie Langlois, parce que vous êtes toutes les deux des professeurs à l'Institut national de la recherche scientifique, donc à l'INRS, mais il y a plusieurs centres de recherche à l'INRS. Vous êtes dans deux centres différents et initialement, vous travaillez sur des thématiques scientifiques différentes. Alors, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu et que vous nous expliquiez ce rapprochement. Oui, parfait. En fait, effectivement, moi, je suis professeure-chercheure à l'INRS, Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie. Donc, c'est un centre de l'INRS qui est situé à Laval et, comme le nom l'indique, s'intéresse beaucoup aux problèmes de santé. Moi, particulièrement, je travaille sur le développement de la glande mammaire, donc du sein. Mais ce qui me touche particulièrement aussi, c'est les effets des polluants environnementaux, dont les perturbateurs endocriniens qu'on va parler aujourd'hui, sur la santé du sein, mais évidemment sur le cancer du sein. Donc, j'essaie de voir si l'exposition à certains produits pourrait avoir un impact à la fois sur le développement de la glande mammaire, mais aussi sur les niveaux de cancer du sein ou sa progression. Donc, j'ai un aspect beaucoup qui est toxicologique. Au niveau de Valérie Langlois, elle est aussi à l'INRS, mais au centre ETE, qui est Hauteur et Environnement, qui s'occupe un peu plus, ce centre se concentre un peu plus sur justement tout ce qui est relatif à l'environnement, mais plus au niveau de l'écotoxicologie, de l'hydrologie, de la géologie. Donc, Valérie, dans son cas, elle est en écotoxicologie, c'est-à-dire que ses intérêts, ce sont de voir l'effet de polluants environnementaux, mais sur différentes espèces non mammifères, donc les grenouilles, les poissons, les animaux finalement qui sont dans notre écosystème. Et Valérie s'intéresse aussi aux perturbateurs endocriniens. Donc, ce qui nous recoupe, moi et Valérie, c'est qu'il y a environ près de 3 ans maintenant, on a fondé ensemble le Centre intersectionnel d'analyse des perturbateurs endocriniens. Donc, pour faire court, le CIAP. Il est en fait un regroupement de chercheurs qui s'intéressent aux perturbateurs endocriniens. Donc, l'idée derrière ce centre-là, c'était justement de regrouper des chercheurs avec des horizons différents autour d'une même thématique. C'est-à-dire que souvent, bon, moi, par exemple, comme mes intérêts sont plus vers la santé humaine avec des modèles animaux, je collabore souvent avec des gens qui ont des centres d'intérêt similaires aux miens. Par contre, je collabore rarement avec des chimistes ou rarement avec des sociologues. Donc, l'idée ici, c'était justement de prendre toutes ces personnes-là qui normalement travaillent dans des silos ou dans des domaines séparés et de les regrouper autour de la thématique des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est maintenant, un des plus grands centres sur les perturbateurs endocriniens au niveau mondial. On a des gens à l'international, on a beaucoup de membres qui sont en Europe, aux États-Unis, un peu partout au travers le Canada. Et justement, dont la thématique principale, ce sont les perturbateurs endocriniens, mais de leur détection dans l'environnement jusqu'aux effets humains, mais aussi dans la législation et donc tous les aspects des perturbateurs endocriniens. Oui. C'est ça. Donc, tout ce qui peut se faire comme recherche autour des perturbateurs endocriniens, que ce soit leur détection, la recherche de substituts, peut-être les effets sur la santé des écosystèmes, santé humaine, etc. Donc, on voit exact. Que le point commun de vos recherches, ce sont les perturbateurs endocriniens. On en entend quand même régulièrement parler de ces fameux perturbateurs endocriniens, mais je crois que c'est un peu vague dans la tête des gens. Oui. Alors, en fait, c'est quoi? En fait, évidemment, pour comprendre le perturbateur endocrinien, il faut d'abord comprendre c'est quoi le système endocrinien. Oui. Donc, le système endocrinien, que ce soit chez les humains ou chez différentes espèces, justement les amphibiens, les oiseaux, les différents mammifères, c'est en fait un système d'organes dans notre corps qui communique à l'aide de messagers. Donc, les messagers chimiques les plus communs, ça va être les hormones, en fait. Donc, quand on parle de l'estradiol, des progestérones et tout ça, ça fait tout partie du système endocrinien. Donc, ces messagers-là vont être envoyés par certains organes, entre autres par le cerveau, par différentes glandes, à travers la circulation sanguine pour contrôler la fonction d'autres organes. Donc, par cette action-là, le système endocrinien va contrôler, entre autres, la croissance, la reproduction, le métabolisme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de systèmes qui sont impliqués dans le système endocrinien, de fonctions qui sont contrôlées par le système endocrinien. Donc, quand on parle de perturbateurs endocriniens, c'est une vaste, vaste, vaste famille de produits qui ont en commun d'avoir des effets sur le système endocrinien. Donc, ils peuvent agir de différentes façons. Ils peuvent aller, par exemple, ils peuvent ressembler à certaines hormones. Donc, les organes cibles, donc, qui sont normalement contrôlés par ces hormones-là, vont réagir comme si l'hormone était présente alors qu'elle ne l'est pas. Donc, ils peuvent mimer les hormones. Ils peuvent bloquer l'action de certaines hormones. Ils peuvent changer leur niveau au niveau de la circulation sanguine. Donc, bref, il y a beaucoup, beaucoup de mécanismes, mais le trait commun, en fait, des perturbateurs endocriniens, c'est vraiment d'avoir un impact sur tout le contrôle endocrinien de notre corps et de celui des différents animaux. Finalement, d'une façon de résumer, c'est que ça vient brouiller le message des hormones un petit peu. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, ça vient changer le message des hormones, mais ça peut aussi envoyer des messages hormonaux à des moments où est-ce que normalement, il n'y en aurait pas. Ouais, Donc, c'est un peu tout exactement. ça. Ça vient complètement chambouler finalement la régulation normale Ouais. du système endocrinien. Alors, on les trouve où, en fait, ces perturbateurs endocriniens? De quelle façon est-ce qu'on est exposé dans notre vie courante? On les trouve dans quels produits, dans quel milieu? En fait, comme justement, c'est une grande, grande, grande famille de protéines, on va en trouver, pas de protéines, de molécules, on va en trouver dans beaucoup de choses. On va en trouver, par exemple, dans les cosmétiques. On va en trouver dans les produits d'entretien ménager. On va en trouver dans les meubles du quotidien parce que souvent, on va les utiliser comme retardateurs de flamme. Un des plus connus, je vous dirais, c'est probablement le bisphénol A, le fameux BPA qu'on retrouve comme agent plastifiant, qui est maintenant interdit dans certains produits, mais qu'on utilise comme agent plastifiant. Les phtalates sont aussi bien bien connus. C'est une famille de molécules aussi qui vont être utilisées comme plastifiants, mais qui sont énormément produits dans les qui sont énormément présents dans les cosmétiques. Certains pesticides vont être des perturbateurs endocriniens, certains produits pharmaceutiques également. Donc c'est vraiment plusieurs molécules. Donc on en a des usages multiples. Et ça fait qu'effectivement, au quotidien, on est exposé à ça par les produits qu'on utilise, par les cosmétiques qu'on va appliquer sur notre peau, via la nourriture qu'on ingère aussi, parce que plusieurs de ces produits-là vont se retrouver dans la poussière de maison, par exemple. Donc, quand on va ingérer de la nourriture, quand on va, ça va se ramasser dans notre système aussi. Donc, on est exposé là de différentes façons à ces polluants-là. Ouais, puis ça veut dire que c'est un vaste champ d'études parce que c'est une multiplicité de en type de produits en type de produits en termes d'exposition et donc en termes d'effets. Donc je perçois que c'est un vaste champ d'études et c'est Oui. pour ça probablement que votre centre de recherche que vous avez créé s'est multiplié et a rameuté autour de lui beaucoup de monde finalement. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, il y en a énormément des perturbateurs endocriniens et honnêtement, on en découvre à tous les jours parce qu'il y a de plus en plus de molécules qui sont mises sur le marché et tranquillement, pas vite, on découvre que certains de ces molécules-là, en fait, ont des effets de perturbateurs endocriniens. Oui, ben justement, donc venons-en à ces effets. Donc, qu'est-ce qu'on sait de la toxicité? Est-ce que c'est une toxicité qui est suspectée du fait de la forme de ces molécules ou est-ce que c'est vraiment démontré chez les animaux, chez les humains? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait un peu rapide de cette toxicité? En fait, ça dépend vraiment de quelles molécules on parle parce que, bon, comme je disais, c'est une vaste. Pour certains, c'est des suspectés. Pour certains, c'est des trucs qui sont prouvés. Par contre, bon, justement, il y a certaines de ces molécules, certains des perturbateurs endocriniens que les preuves chez les animaux sont évidentes. Donc, on voit des effets sur les populations animales exposées. Les expériences en laboratoire démontrent clairement qu'il y a des effets de perturbation endocrine avec certaines molécules. au niveau des animaux de laboratoire, au niveau des populations aussi, par exemple de grenouilles ou de poissons là, en écotoxicologie. Chez l'humain, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il faut comprendre que moi, par exemple, justement, dans mon laboratoire, je vais utiliser des modèles qui miment l'humain, mais évidemment, j'utilise pas d'humain. C'est facile d'exposer un groupe de rats à un produit et l'autre groupe de rats à un autre sans les exposer et de regarder les effets et de démontrer que chez les animaux exposés, il y a des effets, tandis que chez les animaux non exposés, il y en a pas. Évidemment, chez l'humain, on peut pas faire ça. Donc, ce que chez l'humain, il y a certains de ces produits-là qui ont des effets probants, c'est-à-dire que basés sur toutes les expériences animales, basés sur la similitude aussi entre le système endocrinien des humains et celui des animaux, on peut prédire que les effets qu'on observe chez les animaux se passent aussi chez l'humain. Mais par contre, évidemment, on ne peut pas avoir de preuves directes. Il y a évidemment des études épidémiologiques, c'est-à-dire que certains chercheurs ont pris des grandes populations humaines. On comparait, par exemple, les niveaux de cancer du sein chez certaines femmes versus d'autres femmes qui n'en ont pas. Ils sont allés voir dans leur urine ou dans leur sang à quoi ils étaient exposés. Ils peuvent faire des corrélations entre certains produits et des taux de cancer du sein, par exemple. Mais on ne pourra jamais avoir de preuves directes chez l'humain. C'est une question éthique tout à fait. Donc, pour résumer, certains produits, beaucoup des perturbateurs endocriniens, les preuves chez les animaux, en laboratoire sont très, très probantes. Chez l'humain, on fait des extrapolations basées là-dessus et basées, encore une fois, sur la similitude des systèmes pour dire qu'il y a probablement quelque chose qui se passe aussi, là. Ouais, très bien. Alors maintenant qu'on visualise mieux la problématique de ces perturbateurs endocriniens, bah venons-en à votre livre que vous avez écrit à l'intention des enfants et un livre qui s'appelle Rainette explore son marais. Alors pourquoi un livre pour les enfants pour un sujet qui a l'air quand même assez grave, assez sérieux, un sujet du monde des adultes? Pourquoi un livre pour les enfants? Ben, en fait, justement, une des constatations qu'on a fait, moi et Valérie, quand on a commencé le SIAP ou quand on a fondé le SIAP, c'était que, bon, on est capable, et moi et elle et tous les membres du SIAP, de faire ce qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire de propager nos résultats de recherche entre scientifiques. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent, puis on le fait avec le SIAP, et bon, on atteint une certaine partie de la population. Et Valérie et moi, on interagit souvent dans les médias justement pour essayer d'atteindre une certaine population, donc qui sont généralement les adultes. Mais on s'est rendu compte que chez les enfants, il n'y a pas beaucoup de littérature qui explique des problématiques environnementales. On a certaines revues, par exemple, qui vont s'adresser aux adolescents et tout, mais il n'y a pas beaucoup chez les jeunes enfants. Puis, deux choses qu'on s'est dites, c'est que, un, les jeunes enfants, ce sont les adultes de demain. Donc, les conscientiser assez tôt à cette problématique-là peut avoir un impact assez important sur le futur. Mais c'est aussi que souvent, les enfants vont lire ce livre-là avec leurs parents. Ils vont les lire avec les grands-parents. Donc, on touche une population un peu différente de ce qu'on touche généralement. Mais on trouvait que c'était une problématique qui était importante à comprendre dès le plus jeune âge, finalement. Et donc, pour toucher ce jeune public, vous avez dans ce livre raconté une histoire autour de Rainette, qui est donc une grenouille. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de cette histoire? Oui, en fait, Rainette, Vous connaissez tout, c'est... hein, sans tout raconter, mais nous mettre un petit peu dans l'ambiance de Rainette dans son marais. Oui, ben en fait, Rainette, c'est une petite grenouille, justement, qui quitte son joli petit étang tout bleu vers un nouveau milieu pour un nouvel emploi. Donc, arrivée dans ce nouveau marais, elle se rend compte qu'il y a certaines problématiques, c'est-à-dire qu'elle voit que les poissons ne peuvent pas pondre d'œufs. Elle voit que ses têtards à elle, donc ses enfants, changent de sexe. Donc, elle commence à se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe dans ce marais-là pour que ces événements-là arrivent. Donc, elle met une paire de lunettes magiques et se rend compte qu'il y a des petites molécules orangées dans l'étang. Et elle remonte la source de l'eau, finalement. Elle remonte jusqu'à la source du marais et se rend à une ville qu'on appelle la ville stérile, en fait, où elle se rend compte que les petites molécules oranges, elles sont partout. Il n'y a pas de verdure, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas rien. Et elle se met à parler. Elle rencontre un PEM, un perturbateur endocrinien mesquin, qui lui raconte un peu l'histoire des perturbateurs endocriniens et pourquoi on les utilise et quels sont les effets. vous en dis pas plus, vous irez voir le livre Voilà. pour mieux comprendre l'histoire de Renette. Voilà, exactement. Donc j'imagine que quand même pour raconter cette histoire, on voit que là il y a une histoire autour d'une grenouille. Donc mais pour raconter cette histoire aux enfants, trouver les mots justes, vous avez dû travailler un petit peu sur trouver quel mot utiliser pour que ça parle aux enfants, que soit pas juste des mots scientifiques. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de mots scientifiques non plus dans votre livre. Donc comment vous avez fait pour travailler cet aspect-là de la communication à ce jeune public? Ouais, ben c'est effectivement, ça a été une démarche intellectuelle assez intéressante, dans le sens que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pas des choses qu'on est habitué de faire. Mais on est allé, on a essayé de se mettre dans la peau d'un enfant assez jeune, évidemment, quand on a écrit le livre. Ensuite, on est allé aussi avec beaucoup de relecture, c'est-à-dire que et Valérie et moi, on a des enfants de l'âge de notre public cible, si on veut. Donc, nos enfants ont lu le livre, on leur a lu le livre. On a aussi consulté des professeurs donc du niveau primaire. Donc, on a eu beaucoup de relecture là, pour nous aider à adopter un langage qui était approprié à ce groupe d'âge-là. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire. Donc, ça a été un Donc exercice assez intéressant, par contre. puis vous l'avez testé donc auprès de vos enfants justement ce livre-là pour voir si ça passait Oui. bien. Oui, tout à fait. Il faut dire aussi que l'histoire est quand même joliment illustrée, hein. Il y a des très beaux dessins qui sont faits de l'illustratrice Laure Vandal. Donc, et puis c'est finalement l'illustration, c'est aussi ce qui va retenir l'intérêt des enfants. Donc c'est Oui. primordial. Donc là, comment vous avez travaillé avec l'illustratrice? Vous lui avez donné des consignes, vous lui avez donné le texte et elle s'est débrouillée? Comment ça s'est passé? Un peu des deux, je vous dirais. En fait, évidemment, nous aussi, quand ni moi ni Valérie n'avions le talent nécessaire pour illustrer ça, donc on a cherché différentes illustratrices et Laure, justement, nous a très vite interpellés par la couleur qu'elle mettait dans ses dessins et tout. Donc, c'est quelque chose qui nous a vite appelés. Et oui, en fait, ce qu'on a fait avec Laure, c'est qu'on lui a proposé certaines illustrations qu'on avait dans la tête. Donc, on lui a décrit un petit peu qu'est-ce qu'on avait dans la tête pour certains passages du livre et on lui a donné évidemment le scénario. Et ensuite, c'est allé par des allers-retours. Donc, elle nous faisait des propositions. Nous, on disait, ah, on aimerait mieux avoir ça comme ça, comme ça. Mais je vous dirais que l'entente a été très, très bonne avec Laure dès le départ et voyait bien la vision qu'on avait de Renette et de ses compagnons. Donc, ça a été un travail de collaboration, mais qui s'est très, très bien passé, là, à ce D'accord. En niveau-là. fait, oui. Donc, y a ces très beaux dessins qui retiennent l'attention des enfants. Ensuite, ça s'adresse à quel âge, en fait? À partir de quel âge les enfants vont pouvoir le lire ou alors vont nécessiter de se faire accompagner par les parents? En fait, nous, on a testé, on a essayé en fait des groupes, je dirais, de 6 ans à 13 ans. Évidemment, les plus jeunes sont souvent un peu plus émerveillés par les couleurs, par l'histoire, et ont besoin peut-être un peu des adultes pour aller un peu plus en profondeur dans la problématique, évidemment. Mais de façon surprenante, ils comprennent quand même très, très bien les enjeux environnementaux. Les enfants de cet âge-là ont, je crois, baigné beaucoup plus dans la politique environnementale ou les enjeux environnementaux que nous au même âge. Donc, ils comprennent quand même assez bien. Moi, ma fille la plus vieille a presque 12 ans maintenant. Puis, justement, je suis allée avec mes étudiants présenter Renette dans sa classe. Et là, évidemment, on peut aller un peu plus loin avec eux. On peut parler un peu plus justement du système endocrinien, expliquer un peu plus qu'est-ce qui se passe. Donc, je vous dirais là que de 6 à 12 ans, 13 ans, ils vont comprendre à différents niveaux, mais le message des perturbateurs endocriniens passe à tous ces niveaux-là. Les enfants comprennent bien qu'il y a des problématiques et comprennent bien qu'il y a des façons de remédier justement à la situation. Ouais, puis c'est intéressant ce travail finalement avec les parents parce qu'en même temps c'est un double travail éducatif là, autant vis-à-vis des enfants et des parents. Comment réagissent les enfants? En général, en fait, ils sont très curieux. Ils posent beaucoup, beaucoup de questions sur justement où on retrouve ces produits-là. Est-ce que, bon, là, Renette, c'est une grenouille, on a les poissons aussi, mais beaucoup vont demander, est-ce que nous, on peut avoir les mêmes effets? Est-ce que ces produits-là, il y a une façon de savoir où ils sont? Comment je peux choisir mieux? Dès le départ, souvent, ils vont poser des questions sur comment est-ce que je fais pour les éviter. comment je peux m'en débarrasser ou des choses comme ça. Donc, ils comprennent bien que c'est une question d'être exposé. Puis, si on arrête d'être exposé, en fait, Ouais. la problématique est plus là, là. Est-ce qu'ils se posent la question de savoir si eux aussi vont changer de sexe, s'ils vont se baigner à la rivière ou dans un lac? En fait, oui, c'est assez drôle parce que c'est une question qu'on a des fois avec les enfants. Puis là, ben, c'est là qu'il faut aussi jouer avec, bon, oui, le système endocrinien des humains et des grenouilles est semblable, mais l'effet est pas si instantané que ça chez l'humain. Donc, c'est des effets un peu plus subtils en général, là, qu'on va voir chez l'humain. Mais évidemment, ben, c'est d'amener justement le degré de compréhension chez les enfants là, qui est plus difficile, mais qui est quand même agréable de faire avec eux, là. D'ailleurs, au début de votre livre, c'est écrit, hein, il y a une phrase un petit peu qui prévient que faut pas extrapoler directement l'histoire de ce livre à la situation des humains. Faut pas faire une extrapolation directe au début de Oui, votre tout à fait. C'est une notion importante en science que une corrélation n'est pas une preuve. Puis c'est souvent facile de faire des raccourcis qui sont pas nécessairement présents. Donc oui, on trouvait que c'était important de mettre ça en contexte dès le départ parce que c'est quand même c'est facile de faire des raccourcis qui sont pas nécessairement là, là. Exactement. En terminant, Isabelle Plante, ce livre, il est disponible comment? En fait, c'est un livre qui est disponible gratuitement. Donc, c'est une des choses à laquelle on tenait, là, Valérie et moi, de faire en fait un livre qui était aussi éco-responsable. Il est sur du papier recyclé avec de l'encre végétale. Donc, Ah oui. on le fait le plus éco-responsable possible. Et il est distribué gratuitement. Donc, la façon la plus simple, c'est d'aller sur le site Internet justement du CIAP, là où est-ce qu'on peut, soit on a un lien directement avec l'éditeur. Donc, on peut le commander en ligne chez l'éditeur. À ce moment-là, on va avoir une version papier et c'est uniquement les frais de transport là, qu'il va falloir défrayer. Sinon, il y a des versions PDF et des versions pour liseuses là, qui sont sur notre site Internet. Donc, c'est très facile d'aller sur le site du CIAP et de télécharger le livre Oui, et peut-être le livre exactement. avec une tablette ou avec une liseuse. Et sinon, si on veut vraiment la version papier, on peut le commander au CIAP et on a juste à payer les frais d'envoi, finalement. C'est ça. En fait, c'est ça. Le lien nous mène chez l'éditeur, mais bon, c'est ça, effectivement. Puis, en fait, c'est dans le CIAP, justement, on a une section, le coin éducatif, où on a différents matériels là, pour les gens. Ceci D'accord. étant dit aussi, bientôt, en fait, c'est en cours de processus, là, on est en train de le faire traduire en serbe et en espagnol. Donc, Ah éventuellement, ils seront disponibles dans ces deux langues-là oui. aussi, on espère dans les prochains mois. Ah, et puis on mettra le lien du SIAP sur la page Facebook de Futur Simple. Comme ça, tout le monde pourra aller voir l'histoire, lire l'histoire de Renette. Alors, merci Parfait. beaucoup, Isabelle Plant, de cette initiative là, d'avoir écrit ce livre. Je pense que ça va être utile à beaucoup de monde. Et merci beaucoup de nous avoir fait plonger dans ce marais avec Renette pour nous faire comprendre ce que sont que les perturbateurs endocriniens. Merci beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir, merci. Donc, je rappelle que Isabelle Plante est professeure à l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique, au Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie, également codirectrice avec Valérie Langlois, j'imagine. Valérie Langlois étant l'autre codirectrice. Oui, exactement. Directrice du CIAP, le Centre intersectoriel d'analyse des perturbateurs endocriniens. Alors ainsi prend fin Futur Simple, mais je vous reviens la semaine prochaine et d'ici là, je cède le micro de CKRL 89.1 à Calypso le Moine pour En Aparté. Hasard ou coïncidence, Byzance ou Trafalgar, Mozart ou l'innocence, ignorance au brouillard, tintamarre ou nuisance, obédience au beaux-arts, victoire ou suffisance, l'apparence ou l'histoire, faux départ ou balance, déférence ou bobard, avoir ou dépendance, abondance ou dollar, un écart ou l'errance, turbulence ou bazar, paillardise ou licence, jouissance ou bande à part. Insolence ou regard, avarice ou prudence, confidence raconte pas, hall de gare affluence, manigance traquenard, devoir obéissance, concurrence étendard, flemmardise indolence, impatience y'en a marre, vantardise indécence, élégance objet rare, bavardage ingérence, expérience un rempart. Espoir adolescence, coïncidence ou hasard, hasard ou coïncidence.